إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا درسنا 25 في كتاب المورد العذب الزلال للشيخ النجمي حفظه الله تعالى. Somme 25e cours dans l'étude de ce livre de Cheikh Najmi, Hafidhahullah Ta'ala, qui est la source abondante et délicieuse dans la critique de certains voies de da'wa et de certaines croyances. Wa marra ma'ana al-bariha anna Cheikh Najmi, Hafidhahullah Ta'ala, wajjaha as'ilatan sarihatan lil-ikhwan, wa inbaghi li talib al-ilmi wa talib al-haqq wal-bahith 'an al-haqq an yata'ammala fi hadhihi al-jama'ati allati 'ammat wa tammat وانتشرت وفرخت في العالم الإسلامي واستقطبت كثيرا من شباب المسلمين وخدعتهم ورمت بكثير منهم في السجون مع ما فيها من البلايا. تأملوا هذه الأدواء المتفشية والمتغلغلة داخل هذه الجماعة. يا رعاكم الله. إياه يبصي avec nous que dans le cours d'hier que Cheikh Najmi حفظه الله تعالى a posé des questions claires. Al-Ikhwan, ils doivent répondre à ces questions. Il appartient aux demandeurs de science et à celui qui cherche la vérité, qu'il médite et qu'il étudie en profondeur ce groupe, dont les erreurs sont énormes. Et ce groupe s'est propagé à travers le monde entier. Il a fait des poussins qui portent des différents noms. Hein, et il attire beaucoup les jeunes. Et en réalité, c'est une trahison de la communauté, une trahison de la jeunesse. Beaucoup de jeunes ont été jetés en prison par la faute et par les erreurs que porte ce groupe, qui est dans la voie de ce groupe. Méditez ces mots dont nous parle Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala et d'autres hommes de science qui sont dans ce groupe. Méditez ces mots qu'il y a dans ce groupe avec lequel... et il faut faire très attention à ce groupe. Il faut s'en éloigner comme on s'éloigne de la peste. Fa hadi al-jama'a allati fiha hadi al-balaya hal tasluhu an taquma bid-da'wati ila Allah wa hal tasluhu li tusliha ahwal al-muslimin wa tu'idahum ila majdihim wa su'dadihim al-awwal wa ila dinihim as-sahih. الجواب طبعا لا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، والتاريخ والواقع أكبر دليل على هذا. فهذه الجماعة لها الآن أكثر من 80 سنة. ما يعرف أن هذه الجماعة أقامت دولة سنية سلفية على التوحيد والسنة، وإنما يعرف عنها أنها تبحث عن هدم الدولة السلفية الوحيدة الموجودة. وأثبتت لنا وقائع أفغانستان أنها هدمت إمارة كونر، الإمارة التي كان يدرس فيها التوحيد والسنة. Donc, est-ce que un groupe dans lequel il y a tant de d'erreurs et où il y a tant de déviance avec la voie du puissant, il est bon pour accomplir la da'wa vers Allah Azza wa Jal? Est-ce que ce groupe dont les erreurs sont énormes, il est bon pour remédier à la situation du musulman et pour réunir les musulmans et pour ramener les musulmans à leur honneur et à leur gloire et à leur religion authentique? La réponse de celui qui est doué de raison est naturellement non. car celui qui n'a pas une chose ne peut pas la donner. Et l'histoire et l'actualité nous le prouvent. C'est une des grandes épreuves. Ce groupe, il a plus de 80 ans maintenant, et on ne connaît pas de ce groupe qu'il a accompli un état salafi, un état sur la sunna et sur le monothéisme. Plutôt, il crée le trouble dans les états islamiques. Et il cherche à perturber le seul pays salafi qui est là, l'Arabie Saoudite. Et les événements nous ont prouvé tout ça. Les événements d'Afghanistan, à l'époque où le combat était contre les Russes, où le djihad était contre les Russes, ils se sont réunis avec les différents groupes igaraïs, et avec les chiites, et avec les communistes, pour détruire la principauté de Konar, qui était sous l'imara de Cheikh Jamil Rahman, rahimahullah ta'ala. Cette principauté, on étudiait le monothéisme, on propageait la sunna, où on a brûlé les champs du hashish, et où on accomplissait la législation de Allah, Azzawajal, se sont réunis pour la détruire. وما يعرف عن هذه الجماعة أنها قامت دعوة سنية على عقيدة صحيحة ودعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والخرافات أبدا، وإنما المعروف عنهم العكس، لا يدعون إلى التوحيد ولا يقيمون له وزنا ولا ينكرون الشرك. ومرت معنا أمثلة كثيرة لكبارهم، فالإخوان لهم دعوة في مصر، في الشام، في شمال إفريقيا، في أوروبا، في أمريكا، في السعودية، فمجالهم واسع. ومع ذلك ما قاموا لا سنة ولا توحيدا ولا علما ولا كونوا علماء. قارنوهم بدعوة الشيخ مقبل في اليمن رحمه الله تعالى، وقارنوهم بدعوة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. كم كون الشيخ مقبل من طلاب العلم ومحبي السنة والمدافع عليها، وكيف نشر مركز الشيخ مقبل رحمة الله عليه التوحيد والعقيدة الصحيحة في اليمن وخارج اليمن، وكيف قضى على كثير من أوراق أوكار التشيع في اليمن حفظه الله رحمة الله عليه وأسكنه الله فسحته، وكيف بالشيخ الألباني رحمة الله عليه الذي يقول عنه الشيخ ربيع أنه قام بما لم تقم به دولة كاملة، وأن الذي قام به الشيخ ناصر لا يستطيع أن تقوم هو من عمل دولة كاملة. Donc ce qui est connu de ce groupe, c'est qu'il n'accomplit pas la da'wa vers la sunna. Sa da'wa n'est pas accomplie sur un dogme authentique. Il n'appelle pas au monothéisme. Il ne combat pas l'associationnisme et les histoires à dormir debout. Mais ce qui est connu, c'est tout à fait le contraire. Ils n'appellent pas vers le monothéisme. Et ils ne lui donnent pas d'importance. Et ils ne blâment pas l'associationnisme. Et les exemples de leurs grands sont passés avec nous, comme nous les a montré Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala. L'Ikhwan, en Égypte, au nord de l'Arabie, au Cham, au nord de l'Afrique, même au nord de l'Afrique et un petit peu partout en Europe, en Amérique, en Arabie Saoudite, partout et au Moyen-Orient, leur terrain est énorme. Et malgré tout ça, ils n'ont pas accompli ni sunna, ni monothéisme, ni science. Ils n'ont pas formé de savants. Comparez-les maintenant à la da'wa de Cheikh Mokhbil, un seul homme. Combien d'étudiants il a formé? Ces étudiants sont connus à travers le monde entier. Ils font la da'wa aux États-Unis, ils font la da'wa en Allemagne, partout, ici, en Belgique et un petit peu partout, les étudiants de Cheikh Mokhbil sont propagés. Ils combattent l'associationnisme, ils combattent l'innovation, et ils combattent l'Ikhwan et Tkfiriyin. Comparez-les aussi à la da'wa de Cheikh Nasser, rahmatullah alayh, un seul homme, et le travail qu'il a fait. Cheikh Rabih, hafidhahullah ta'ala, il dit que ce qu'a fait Cheikh Nasser, rahmatullah alayh, il n'y a qu'un état qui pouvait le faire. Il n'y a qu'un état entier qui pouvait accomplir l'œuvre de Cheikh Nasser, rahmatullah alayh. فالمعروف عن دعاة هذه الجماعة عنايتهم بالسياسة، والمعروف عنهم محاربة أهل السنة والأطر واغتيالهم لأهل السنة والأطر، كما حصل منهم اغتيال جميل الرحمن الشيخ السلفي أمير المجاهدين في أفغانستان إبان حربهم ضد الروس. وتسمعون موقفهم من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهو موقف المدبر وليس موقف المقبل، ويعتبرونه عدوا لذوذا لهم ويحاربونه ودعوته بشتى الوسائل تصريحا وتلميحا. دونك وعداؤهم للشيخ النجمي، وعداؤهم للشيخ ربيع، وعداؤهم للشيخ عبيد وسائر العلماء والدعاة السلفيين، يعادونهم ويحرقون فيهم من يحرق كتبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. Donc s'il connaît des du'as de ce groupe, c'est qu'ils s'occupent plutôt de la politique et qu'ils combattent les gens de la sunna et les hommes du hadith, et ils les assassinent, comme il est arrivé avec Cheikh Jamil Rahman, rahimahullah ta'ala, le prince des Mujahidin en Afghanistan, à l'époque de la guerre contre les Russes. Et vous vous entendez leur position vis-à-vis des livres de Cheikh Mohamed ibn Abdelwahab et de la da'wa de Cheikh Mohamed ibn Abdelwahab. Hein? Il la déteste, il la dénigre. Même dans certains cas de certaines grandes organisations des musulmans de France, hein, les livres de Cheikh Mohamed ibn Abdelwahab sont enterrés. Et là, nous, ces livres-là, ils ne conviennent pas à notre esprit. On prend juste l'argent de l'Arabie Saoudite et le reste, on jette. Ainsi, et ici aussi, le combat qu'ils font à Cheikh Rabi ici à Bruxelles, et au livre de Cheikh Rabi. Il n'y a pas une librairie sur Bruxelles qui vend, à part la petite librairie de nos frères salafis. C'est ça, même dans la cave des grands centres ici, les frères qui ont travaillé dans ces centres, il y a des cartons et des cartons de livres d'El Cheikh Rabi. Il y a certains même qui voulaient à un moment donné brûler les livres d'El Cheikh Abdel Malik Ramadani, Madarik al-Nadar fi Siyasa al-Shar'iyya. Tout ça, pourquoi cette guerre à Cheikh Rabi, à Cheikh Abdel Malik Ramadani, à Cheikh Yahya al-Hajouri, à Cheikh Nejmi, etc. Parce que tout simplement, il montre les erreurs de ces groupes. Parce que tout simplement, il attire notre attention sur l'égarement de ces groupes. Et nous devons faire très attention à ce groupe. Et qu'on arrête, ils sont gentils, ils ont rien de mal. Ya akhal islam, qu'est-ce que t'en sais toi? Laisse les hommes de science t'éclairer sur ce que tu ne sais pas. ومن خلال تحليلات العلامة الشيخ النجمي ستنجلي الأمور أمامكم عن هذه الجماعة التي فتن بها واغتر بها كثير من المسلمين وخاصة طلاب العلم وكثير من الدعاة والأمثلة أمامكم كثيرة بل حتى بعض المشايخ من العلماء اغتروا بها وانخدعوا بها إلى اليوم فانظر مثلا إلى بعض الدعاة وإلى كلامهم وأنا سأقرأ عليكم كيف يدافعون عنها ويجعلونها من أهل السنة والجماعة. Et à travers l'étude de Cheikh Najmi حفظه الله تعالى, la situation va devenir inshallah claire pour celui qui cherche la vérité. Et celui qui a des brindilles dans les yeux, il ne verra pas plus clair que ça. Hein? Et beaucoup de gens se sont fait avoir par, beaucoup de musulmans se sont fait avoir par ce groupe. Et même certains demandeurs de science, certains du'ats, même certains machaïrs se sont fait avoir par ce groupe. Ils ont été trahis par ce groupe. Il y a même certains du'ats maintenant, à travers les télés, on les voit, et ils font l'éloge de ces groupes. Sallallahu alayhi wa sallam, subhanahu wa ta'ala, salamat al-afiya. Et parmi certains, où les frères d'El Da'wa à Bruxelles ici, d'El Da'wa d'El Ikhwan, font l'éloge. Ils les présentent à la communauté comme quoi ce sont les imams, comme Mohamed Hassan et autres. Bah, isma' akhal islam, hada Mohamed Hassan, ladi yuqaddimuhu, al-mawjoudun ala sahati fi Bruxelles, ladi yuqaddimunahu ka annahu imam wa alim. Isma' li qawlihi. في درس له بعنوان الطريق إلى الله إن يقول إن الطريق إلى الله واضح إن الطريق إلى الله بين لا لبس فيه ولا غبش فيه ولا غموض فيه ولا انحراف فيه ولا التفات عنه إن الطريق واضح إن الطريق واضح إن الطريق واضح ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفرقة وحذر من الاختلاف وحذر من التباين. Donc, Mohamed Hassan, dans un cours, dont le titre est « La voie vers Allah », il dit « La voie vers Allah », il est clair. Et Mohamed Hassan, ceux qui sont sur le terrain en Belgique, au Maroc, un petit peu partout, le présentent comme l'imam. Et maintenant, nous sommes éprouvés par ce genre de du'at, parce que ils ont leur télé, hein, ils ont leurs médias. Donc, mais écoutez ce qu'ils disent, et allez aux profondeurs de leur cours, et vous allez voir, comme l'a été Cheikh, hein, Mohamed Ben Ramzan Al-Tamil Hajiri, hafidah Allah Ta'ala, et celui qui a interprété son livre, Abu Abdullah, Mohamed Ben Uthman Al-Misri, hafidah Allah Ta'ala. La parole de Mohamed Hassan dit ceci, la voie vers Allah Azza wa Jal est claire, la voie vers Allah Azza wa Jal est claire. Il n'y a pas de perturbation, il n'y a pas d'ambiguïté dans cette voie. n'y a pas de nuage, il n'y a pas de déviance, il n'y a pas à tourner à droite ni à tourner à gauche, la voie est claire, la voie est claire, la voie est claire. Et il dit, c'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre la division, il nous a avertis contre les divergences, et il a dit donc, وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الذي خرجه الإمام أحمد والذي خرجه الإمام الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افترق أهل الكتاب على 72 فرقة أو على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة لا حول ولا قوة إلا بالله وستفترق أمتي على 73 ملة 72 في النار 72 في النار ولا يدخل الجنة إلا ملة واحدة وفي رواية كلهم في النار لا فرقة واحدة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Et il continue de dire, c'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre la déviance, contre le fait de se constituer en partie. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, rapporté par l'imam Ahmed, et par l'imam Tirmidhi, authentifié par Sheikh Nasr, rahmatullah alayhi, dans Sahih al-Jami', que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Iftaraqat ahlul kitabi ala 72 firqa » que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens du livre se sont divisés, en 72 groupes, 72 voix, et cette communauté va se diviser en 73 voix, 73 groupes, et tous en enfer sauf une, et ne rentrera au paradis qu'une seule voix, et dans une autre version, tous en enfer sauf une seule, celle qui est sur la même voie, moi et mes compagnons. يقول محمد حسان إذا الطريق لا لبس فيه إن الطريق واضح فلما هذه الاختلافات ولما هذه الفرقة ولما هذه الأحقاد ولماذا هذا التنازع ولماذا هذا التباين أيها الأحباب يا من صدقتم في حب من صدقتم في حبكم لله ويا من أخلصتم في دعوتكم لله عز وجل ويا من صدقتم في حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتفرقوا لا تختلفوا لا تظالموا اجتمعوا على قلب رجل واحد فإن أعداء الإسلام يخططون لنا وللإسلام ليل نهار لكن نحن المسلمين نحن الموحدين نحن المؤمنين نحن الدعاة إلى هذا الدين اختلفنا فيما بيننا اختلفنا في أمور فرعية لا تسمن ولا تغني من جوع وتركنا الأصول وكلنا جميع موحدون وكلنا جميع مؤمنون وكلنا جميع مسلمون لا إله إلا الله ولا كتاب لنا إلا كتاب الله ولا زعيم لنا إلا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم فلما هذه الأحقاد ولما هذه الاختلافات ولما هذه النزاعات. Enfin, écoutez bien Telbissat et les déguisements, comment ils sont, pour arriver, pour qu'on tombe sur notre tête. Donc la voix, il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Et la voix, il est clair. Pourquoi toutes ces divergences? Ils viennent citer le hadith des divergences. Pourquoi toutes ces divergences? Pourquoi tous ces groupes? Pourquoi ces haines? Pourquoi se disputer? Ou vous qui êtes, hein, que vous êtes véridique dans votre amour pour Allah, Azzawajal, et que vous êtes sincère dans votre da'wah, et vous êtes véridique, vous qui êtes véridique dans votre amour pour le prophète alayhi sallam, ne vous divisez pas, ne vous divergez pas, ne commettez pas d'injustice les uns vers les autres. Soyez un cœur uni, car les ennemis de l'islam manigancent pour l'islam jour et nuit. Mais nous les musulmans, nous les monothéistes, nous les croyants, nous les du'atis vers cette religion, nous sommes divergés, nous sommes tombés dans les divergences, dans des détails qui nous rassasient pas, qui nous font ni bien ni mal. Et nous avons délaissé les fondements. Et tous, nous sommes monothéistes. Et tous, nous sommes croyants. Et tous, nous sommes musulmans. La ilaha illallah. Nous avons un seul que nous adorons, Allah. Nous avons qu'un seul livre, le livre d'Allah. Nous avons qu'un seul leader, Muhammad ibn Abdillah. Et pourquoi toutes ces haines? Pourquoi toutes ces divergences? Et pourquoi toutes, toute cette différence. Regardez ces beaux paroles. Parce que c'est un beau parleur. Les Égyptiens sont très forts. Écoutez maintenant. Maintenant on tombe sur notre tête. Écoutez la suite. Allah al-Musta'an. Subhanallah. La farqa bayna akhin salafi. La farqa baynahu wa bayna akhihi min jama'at tibligh. Kaif? كيف تسوي بين النقيضين؟ ولا فرق بين هذا وبين أخيه من جماعة الإخوان، ولا فرق بين هذا وبين أخيه من جماعة أنصار السنة. كلنا جميعا نقول لا إله إلا الله، وكلنا جميعا نقول محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا منهجنا إلا القرآن، ولا شرع لنا، ولا شرع إلا شرع النبي صلى الله عليه وسلم. Tu vois où est-ce que tu tombes après ? Des belles paroles au départ, et maintenant où est-ce qu'on te retrouve et tu dis « Gloire à Allah !» Il n'y a aucune différence entre un frère salafi et son frère du groupe d'El Tbligh. Comme il n'y a pas de différence entre le frère, son frère dans Jamaat al-Ikhwan. Il n'y a pas de différence entre celui-là et le frère dans Jamaat Ansar Sunnah. Nous sommes tous, nous disons tous « La ilaha illallah ». Nous sommes tous unis et nous disons Muhammad est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Notre voix, c'est le Coran. Et notre législation, c'est la législation de Muhammad, alayhi salatu wassalam. T'as vu une belle parole au départ? La voix est claire, la voix est claire. Où est-ce qu'il t'amène? Et ça, il brouille les pistes. Il ramène dans un nuage. Il n'y a pas de différence entre salafi et frère musulman. Attendez, arrêtez vos conneries. Où est-ce qu'on est? Et après, on nous dit, c'est l'homme de la situation. C'est le savant par excellence. Allah, arrêtez. L'an, ma'a naqd. Mohamed bin Ramzan. Qultu, hakada yudassu sammu fil asal. Wa yatimmu istighlalu awatifi shabab ayyama istighlal. Fabila raybanna kulla mu'minin صادق يبغض هذه الفرقة الحادثة بين المسلمين ولا يرضى بهذا الشتات وهذه الأحقاد. لكن أليس السبب الرئيسي في هذه الفرقة وظهور هذه الأحزاب المحدثة من الإخوان والتبليغ وغيرهما، أليست هي التي فرقت المسلمين تحت هذه المسميات التي أنكرها هو وينكرها كل العلماء؟ لكن محمد حسان يخالف العلماء فيردك إلى ها أن تبقى مع التبليغ وتبقى مع الإخوان وتبقى معهم كلهم. Et voici la critique maintenant de celui qui a fait le livre Kawashif al-Jaliya entre les différences salafiyah et da'awat al-hizbiyya. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, ainsi on mélange le miel au poison. Dans ces paroles-là, regardez, des belles paroles au départ et maintenant avec, il n'y a pas de différence entre un frère salafi, kada, kada, ce sont tous des frères. Ben ça, c'est le fait de mélanger du poison au miel. Et ainsi, on profite des sentiments de la jeunesse. Les jeunes ont un enthousiasme pour l'islam, aiment l'islam. Mais regardez comment on utilise mal leurs sentiments. Ils profitent de leur ouverture, de leur amour pour l'islam. Et on les utilise. On les induit en erreur. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, il n'y a aucun doute que tout croyant véridique déteste cette division qui est nouvelle entre les musulmans. Et il n'aime pas que les musulmans soient éparpillés, qu'il y ait de la haine entre les musulmans. Mais c'est quoi la cause principale de cette division et de ces groupes? Justement, la cause principale de cette division, c'est l'apparition de ces groupes comme Jamaat Tabligh, comme Hizb al-Ikhwan et autres. Ah, c'est la cause. Pourquoi tu veux les mettre à pied d'égalité avec les salafis? Est-ce que Jamaat al-Ikhwan et Jamaat al-Tabligh, c'est pas elles qui ont divisé les musulmans? Hadou, ils se sont constitués en tant qu'Ikhwan musulmans. Hadou, en tant que Jamaat al-Tabligh. Hein? C'est eux qui ont divisé les musulmans et leur ont donné des appellations. Tablighi, Ikhwani. Et cette division, il semble que dans la parole de Mohammed Hussein, il est en train de la blâmer. Mais les hommes de science la blâment aussi. Mais seulement Mohammed Hussein, en rajoutant du poison dans le miel, il nous appelle à être à pied d'égalité et à fermer les yeux sur ce qu'il a appelé des détails. Hein? Qui n'assouvissent pas la soif et qui n'assouvissent pas notre faim. Ainsi il les a appelés. فالأمر سيتجلى لك واضحا. العلماء لم ينكروا التفرق على المسميات فحسب، بل أنكروا المناهج والأفكار الواقعة تحت هذه المسميات والتي خالفت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفت أصول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس الخلاف معها خلافا في أمور فرعية لا تسمن ولا تغني من جوع كما ادعى حسان. هدانا الله وإياه إلى الحق. Les frères, on a Allah, Azzawajal, la critique continue de nous dire, les hommes de science, ils n'ont pas tout simplement blâmé les divisions. Ils ont blâmé aussi les pensées que portent ces groupes et les voies dans lesquelles sont ces groupes, qui sont sous l'égide de ces noms, qui sont en divergence avec le livre d'Allah, Azzawajal, et l'authentique de la sunna du prophète, alayhi salam, et qui ont et qui sont en divergence avec la droite, les fondements de la droite de Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, et la divergence avec ces groupes, c'est pas une divergence dans les détails, qui n'assouvissent pas la soif et la faim, comme le prétend Mohammed Hassan. Loin de là, la divergence avec ces groupes est énorme. L'ulama a كذلك قديما وحديثا لم يعتبروا التسمي بالسلفية تحزبا أو أن السلفيين حزب يفارق عامة المسلمين ولم يسوي أبدا العلماء المنهج السلفي بمناهج الأحزاب المحدثة من تبليغ وإخوانية وسرورية وغيرها. وكيف تكون هذه التسوية والمنهج السلفي ومنهج الصحابة رضوان الله عليهم منهج الفرقة الناجية التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق الذي استشهد به محمد حسان في غير موضعه. فبدلا من أن يستشهد بهذا الحديث في بيان عدم جواز إنساء أحزاب وفرق تفارق دعوة الصحابة أي الدعوة السلفية في اسم أو منهج إذ به يلبس الأمر بتسوية كل هذه الأحزاب من تبليغ وإخوان ونحوهما بالدعوة السلفية وأن الخلافة بينهم خلافة فرعية حيث قال كلنا جميعا نقول لا إله إلا الله وكلنا جميعا نقول محمد رسول الله لا منهج لنا إلا القرآن ولا شرع لنا إلا شرع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هكذا المفوهون من الخطباء التدليس في الكلام وتمطيط الكلام وتزويق الكلام. Donc les hommes de science, les anciens, les contemporains et ceux qui vont venir après ne considèrent pas le fait de s'appeler, d'appeler Da'wat al-Haq Salafia que c'est un hizb, c'est un parti. Ou que Salafiyin, c'est un parti qui est différent du commun des musulmans. Et les hommes de science n'ont pas mis un pied d'égalité la voie d'Yel Salaf avec les groupes innovés, avec les partis innovés comme Tabligh, comme l'Ikhwan, comme Sororia et autres. Comment on peut les mettre à pied d'égalité alors que le manhaj salafi, c'est le manhaj d'Abou Bakr, Omar, Uthman, c'est le manhaj des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, radhiyallahu anhu, c'est le manhaj du groupe sauvé. Qu'a annoncé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith des groupes qu'a utilisé Mohamed Hassan pour déguiser la situation? Pourquoi il ne l'a pas utilisé pour blâmer les groupes? Là, il l'a utilisé pour tedlis, pour déguiser la situation. Il l'a utilisé pour couvrir. Et le hadith, il est contre ce qu'il dit. Et lui, il est arrivé, il a utilisé le hadith. Et il a mis à pied d'égalité le parti de l'Ikhwan, ainsi que Tabligh, ainsi. Il les a mis à pied d'égalité avec Da'wa Salafia, avec Da'wa d'Abou Bakr, Omar, Uthman, Ali, Muawiyah, radhiyallahu anhum. Il dit que le khilafat, les divergences qu'il y a entre, ce sont des détails qui... Il dit, tous nous disons La ilaha illallah, tous nous disons Muhammadur Rasulullah, et nous avons d'autres voies que la voie du Coran et d'autres législations que la législation de Muhammad alayhi salam. C'est des paroles vraies, mais qu'est-ce qu'il nous ramène derrière ces paroles? Qu'est-ce qu'il y a comme faux? Il fait tomber sur notre tête. Ça amène à quoi? Et ça, c'est ce qu'on appelle induire en erreur. C'est pas tomber dans l'erreur, c'est induire en erreur. Mughalata. Pas le ghalat, walakin le mughalata. Wa min al-mughalata allati waqa'a fiha Hassan, annahu fasala bayna ad-da'wa as-salafiyya wa jama'at ansar as-sunnah. Wa ka'anna li kullin minhumā manhajun mukhtalifun 'an al-akhar. Wa hadha khalt, fa inna jama'at ansar as-sunnah ليست حزبا سياسيا أو فرقة بدعية، حيث إن الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله أراد لدعوة الحق الدعوة السلفية أن تتمكن من السير بصورة رسمية لا تخالف فيها ولي أمر البلاد في مصر في وقته، وكان هذا لا يتم إلا بأن تكون هناك جمعية باسم معين ورئيس ولها منهج محدد، فكانت جماعة أنصار السنة التي منهجها منهج السلف الصالح ومؤسسها الشيخ محمد حامد الفقي من كبار الدعاة السلفيين في مصر الذين دعوا إلى التوحيد والسنة. وهذا لا يعني أنه يجوز الانتماء لحزبي لجماعة أنصار السنة، بل هذا لا يجوز، فلا ينبغي للمسلمين كان عاملا في الجمعية أو كان من أحد دعاتها إذا سئل عن انتماء يقول أنا من جماعة أنصار السنة، بل يقول إن شاء الله أنا سلفي أنتمي إلى منهج السلف الصالح. ومع هذا فإن جمعية أنصار السنة في السنوات الأخيرة قد بدأت تنحى منحى في شيء من الانحراف التدريجي عن دعوة السلف، بعد أن دخلتها أنفاس إخوانية حزبية وصار لبعض هؤلاء الدخلاء الغلبة في تحويل مسار الجماعة وتحويل مسار مجلة التوحيد كما هو ظاهر في مصر والسودان. وقد قام العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى من أوائل دعاة أنصار السنة خلال زيارته الأخيرة لمصر بتوجيه اللوم الشديد والنصح الجميل للقائمين على أنصار السنة الآن حتى يعودوا إلى ما كان عليهم سلفهم، وطلب منهم أن يصلحوا ما قد أفسده الشيخ صفوة نور الدين وصفوة الشواذ فيه بإدخالهما كثير من الحزبيين وغلاة التكفير إلى الجمعية وإعطائهم فروعا ومراكز وسلطات داخل الجماعة، وطلب منهم الانفصال عن جمعية إحياء الثورات الحزبية القائمة على حرب السلفية وعون القطبية والإخوانية، والتي أغرت الشيخ صفوة نور الدين رحمه الله بالمال والمساعدات وإقامة الفروع والمساجد حتى تكون أنصار السنة تابعة لمنهجها الحزبي. نسأل الله السلامة والعافية. Il fait partie du fait d'induire en erreur dans lequel est tombé Mohamed Hassan, c'est qu'il a fait la différence entre la da'wa d'Al Salaf, la da'wa salafia, et la da'wa du groupe d'Al Ansar Sunna. Comme ces salafia et Ansar Sunna, ils ont deux voies différentes dans la da'wa. Et ça, c'est un mélange. Car c'est un mélange, c'est une induction. Parce que la voie Jama'at Ansar Sunna, c'est pas un parti politique, c'est pas un groupe innové. Car Cheikh Mohamed Hamid al-Fiqi, rahimahullah, a voulu pour la da'wa de la vérité, qui est la da'wa salafia, qu'il puisse avoir un pion sur rue, être légiféré, être reconnu par l'État égyptien, selon les directives qu'a instauré le gouverneur du pays de l'Égypte. Donc, il a formé une association. Et ceci ne peut pas arriver comme toi ici. Tu veux quelque chose, il faut que tu te constitues en... On a une association qui a un bureau. C'est tout ça dans les papiers, c'est pour l'administration. Tout simplement. Et donc en Égypte, la même chose. Et Mohamed Hamid al-Firqi, qui respecte la voix du Pizayoun, et qui respecte et qui sait ce que c'est que l'obéissance au gouverneur, a agi de la sorte. Donc, Jama'a s'est constitué avec un président, avec Kada, et il a des directives. Mais la jama'a d'Al Ansar Sunna, c'est la jama'a qui défend la voix des puiseurs d'Allah alayhim. Mohamed Hamid al-Fiqi, il est un des plus grands du'at al-manhaj salafi en Égypte, qui ont appelé vers le monothéisme et vers la sunna, et vers la compréhension des puiseurs et la voix des puiseurs d'Allah alayhim. Mais cela ne veut pas dire que le fait qu'il faut appartenir et se dire, je suis, se donner une appartenance hizbite de parti. C'est-à-dire quand on pose la question, je suis du Jama'at Ansar Sunna. Tu ne dois pas dire ça. Parce que ça, c'est ce qui est défendu. Cette appellation est défendue comme ça. Mais si on te demande de quelle voie tu es, je suis de la voie de Mipizer d'Allah alayhim, inshallah. Point final. Direct. Je suis salafi. J'appartiens, je suis la voie de Mipizer d'Allah alayhim. Je ne dis pas que je suis d'Ansar Sunna. Je suis salafi. J'appartiens à la voie de Mipizer d'Allah alayhim. Et malgré tout ça, Ansar Sunna, dans les dernières années, a divié un peu. Il y a une déviation progressive de la da'wa des puiseurs d'Allah alayhim, parce que s'est immiscé à l'intérieur d'eux un esprit d'Yel Ikhwan et des têtes d'Yel Ikhwan. Et certains qui sont rentrés de l'extérieur ont pris le dessus. Hein, et ont pris le pouvoir. Donc ils ont changé l'orientation du Jama'at Ansar Sunna. En Égypte et au Soudan, la même chose. Mais l'allama Mohamed bin Abdel Wahhab Al-Banna, Hafidhahullah Ta'ala, qui est l'un des chouyours d'Yel Sheikh Rabi'. Et qui est l'un des premiers du'ats de Ansar Sunna, lors de sa dernière visite en Égypte, il les a blâmés un blâme fort. Il les a blâmés un blâme fort, il leur a fait un énorme conseil. Il leur a dit de rejeter tous ceux qui ne sont pas de la voie du Puzayl et de revenir à la voie de leur Puzayl, d'Allah Alim. Et qu'ils remédient aux problèmes qui ont été et aux erreurs qui ont été induites par Cheikh Safwat Nourdin et Cheikh Safwat Chouadvi. Parce que ces deux hommes se sont fait avoir par les autres, ils ont rentré avec eux des Hizbi et des Tkfirid, les extrêmes des Tkfiriyin d'Égypte. Ils les ont rentrés dans leur association. Ils leur ont donné des branches. Ils leur ont donné un pouvoir à l'intérieur du groupe. Et il leur a demandé de se séparer de l'association de Tourath, le Hizbiya qui est au Koweït. Et c'est là, Hizbiya, Jumiyat Tourath, il détruit toute Dawa d'Yel Salaf. Il essayait de détruire Dawa d'Yel Sheikh Mokhbel. Et les élèves d'Yel Sheikh Mokhbel, il l'a pas pu. Hein? Il achète les deux hâtes. Il leur offre des centres, il leur construit des mosquées, etc. Et c'est ce qui a tué beaucoup de savants. Et beaucoup de gens qui étaient, et de Machaïr, qui étaient sur la voie, d'Yel Salaf qui défendait la voie, une fois que Jamiyat Tourath s'est mêlé et rentré dedans, il les a détruits. Ils ne parlent plus du groupe. Hein? Ils disent, il faut s'éloigner de Cheikh Rabi', et ainsi de suite. Parce que Cheikh Rabi', c'est la plus grande des épines de Jamiyat Tourath, Ihya Tourath. Et des Ikhwan et du tout les Hizm. Et donc, et cette Jamiya, il accomplit quoi? Il aide, et il instaure, il donne le poids à toute Dawa Qutbite et Ikhwanite. Et Sororite, à travers le monde. Que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Afrique, où tu veux, il aide. Et c'est elle qui a induit Cheikh Safwat Nourdin, rahmatullah alayh, avec l'aide, avec l'argent, etc., avec la construction de mosquées, des bureaux, etc., etc. Ainsi à l'islam. ومن مغالطته أيضا أي من مغالطة محمد حسان أنه استشهد بتصحيح العلامة الألباني لحديث الفرق الناجية ولم يستشهد بكلامه في حزب الإخوان والتبليغ. سبحان الله، هذا يعجبني وهذا لا يعجبني. لا إله إلا الله، إن لله وإنا إليه. وهذا من الفصام النكد عند الدعاة الحركيين. Et fait partie aussi du fait d'induire en erreur. C'est qu'il a pris l'authentification de Cheikh Nasser du hadith du groupe, et il n'a pas pris la parole comme témoin, il n'a pas pris la parole de Cheikh Nasser, rahmatullah alayhi, qui critique les Ikhwan et Tabligh. Et ça, là, je prends ce que je veux et je laisse ce que je veux. Il n'y a que t'as pris sa parole dans l'authentification du hadith. Pourquoi tu ne prends pas sa parole dans le fait qu'il dit que Jama'at l'Ikhwan, c'est pas, ils font pas partie d'Al Sunna ou Jama'a. Et Allah. Et Jama'at Tabligh la même chose, il dit deux. Pourquoi tu les as pas pris? Et ça, c'est la façon de faire des du'at mouvementistes, activistes. C'est comme ça qu'ils font. Tous, ils sont sur la même ligne de conduite. Voilà avant nous, يقول le Cheikh عن محمد حسن. Voilà avant nous, أن مثله الشيخ أبو عثمان المصري. ولا أظن أن مثله يخفى عليه كلام العلماء الكبار في حكم هذين الحزبين والذي سوف يأتي نقله لتدرك الفارق بين كلام العلماء الربانيين الثابتين على الكتاب والسنة وبين الدعاة الحركيين الذين يتحركون بعواطفهم لا بما تمليه عليه نصوص الكتاب والسنة فهم أحوج الناس إلى تربية أنفسهم على التحاكم الصادق إليهما من حاجة من الإنكار والتهييج على الحكام الذين فرطوا في التحاكم إليهما وإلا كانت دعوة هؤلاء الدعاء حجة على أنفسهم رد الله الجميع إلى الحق. Et Cheikh de nous dire, je ne crois pas que quelqu'un comme Mohamed Hassan, il ne sait pas les paroles des hommes de science et les sentences des hommes de science sur le groupe de Jama'at Tabligh et Jama'at l'Ikhwan. Et celui qui veut plus de détails et plus de hada, qu'il lise ce livre, le Kawashif al-Jaliya. Tu vois, tous ces ces têtes que tu vois à la télé, etc., ils tombent les uns derrière les autres. Hein? Et leur style est divulgué. Que Allah subhanahu wa ta'ala récompense comme il se doit, hein? Comme il se doit, les hommes de science qui sont la police des frontières pour laisser aucune innovation s'émerger dans la voie du puiseur d'Allah alayhi. فالشيخ وجه أسئلة محرجة للإخوان المسلمين ووضعهم في الزاوية. فالسؤال الأول يقول لهم: هل ما يفعله العامة عند قبر الحسين والسيدة زينب وقبر البدوي وغيرها من الدعاء لأصحابها والاستغاثة بهم في جلب النفع ودفع الضر والذبح لهم والنذر وغير ذلك، هل ذلك شرك بالله أم لا؟ إن قالوا فيه أنه ليس بشرك فهم جهال لا يفهمون الإسلام، ومن بلغ به الجهل إلى هذا الحد بأن لا يفهم ما هو الإسلام ولا ما معنى التوحيد والشرك، فهذا عليه أن يجلس يتعلم ولا يقول أنا داعي وأدعو إلى الإسلام. Donc lors de la première question, Cheikh commence à les mettre sur à peu près 5 questions, il les met à pied du mur. Dans l'angle. Et là, on dit la première question, est-ce que ce que font le commun des musulmans autour de la tombe d'Al Hussein et de Siti Zainab et de Badawi et autres, en leur demandant à ceux qui sont dans le temple et en cherchant secours auprès de ceux qui sont dans les tombes, est-ce que ça, c'est de l'associationnisme ou pas? C'est de l'associationnisme ou pas? S'ils disent que ce n'est pas de l'associationnisme, ça, ce sont des ignorants finis, ils ne comprennent pas l'islam. Et celui qui est arrivé à ce degré d'ignorance, de ne pas comprendre ce que c'est que l'islam, de ne pas comprendre ce que c'est que le monothéisme et l'associationnisme, celui-là, il faut qu'il s'assoie à apprendre sa religion, et non pas à être un da'i ilallah, ou d'appeler vers l'islam. وَإِنْ قَالُوا هَذَا شِرْكُ وَظَّنُّ بِهِمْ هَذَا نَقُولُ لَهُمْ لِمَاذَا أَنْتُمْ سَاكِتُونَ لما لا تنكرون وتتركون العام في هذا الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام الموجب للخلود في النار، ماذا ينفع من تقيموا حكومة إسلامية كما تزعمون وآلاف العوام يموتون على الشرك، بماذا تنفعهم هذه الدولة الإسلامية؟ Ici ils disent, ça c'est de l'associationnisme. Ce que nous croyons en eux, ils vont dire que ça c'est de l'associationnisme. Pourquoi vous vous taisez? Pourquoi vous ne blâmez pas l'associationnisme? Pourquoi vous délaissez le commun des musulmans dans l'associationnisme, dans le grand associationnisme qui sort de l'islam et qui découle que si on meurt là-dessus, on est éternellement au feu de l'enfer? À quoi ça leur sert de faire un État islamique comme vous prétendez et que des millions de musulmans, du commun des musulmans hors sur l'associationnisme? En quoi ça va leur être utile cet État islamique s'ils meurent dans l'associationnisme? Qu'ils meurent dans le monothéisme sans avoir d'état, il vaut mieux pour eux. Au moins, la rencontre avec Allah Azza wa Jal va être noble. والسؤال الثاني يقول لهم الشيخ: إذا لم يكن ذلك شركا فما هو الشرك الذي بعثت من أجل محاربته الرسل وأنزلت الكتب وجردت من أجله السيوف وخلقت من أجله الجنة والنار؟ إذا ما هذا الشرك؟ فالشرك ضابطه أنه صرف العبادة لغير الله، سواء صرفت لصنم أو ملك أو حجر أو ولي أو نبي، لا فرق، فمن دعا غير الله فقد أشرك بالله، هذا الضابط. Donc la deuxième question est dit, donc c'est quoi cet associationnisme pour lequel ont été envoyés les messagers alayhi salatu wassalam, pour lequel les messagers ont fait le combat et pour lequel les livres sont descendus? C'est quoi cette association pour laquelle a été créé le paradis et l'enfer? Parce que l'associationnisme, il a ses points de maîtrise, il a ses règles. L'associationnisme, c'est le fait de vouer une forme d'adoration à quelqu'un d'autre qu'Allah ou avec Allah. Soit tu l'avoues à une statue, soit tu l'avoues à un ange, au prophète, ou là une pierre, ou là un wali, n'y a pas de différence. Celui qui demande à quelqu'un d'autre qu'Allah Azzawajal et qui adore autre qu'Allah Azzawajal, il a fait un associé à Allah. N'importe quel soit cet associé. والسؤال الثالث هل من دعا السؤال الثالث هل من دعا صنما منحوتا من خشب أو حجر أو غير ذلك على صورة ولي ومن دعا الولي نفسه أو سجد له أو تطوف بقفره وأتف باسمه سواء أم لا؟ الجواب إنهم سواء وإن قالوا ليسوا سواء حكموا على أنفسهم بالجهل المطبق وأنهم لا يفهمون معنى الإسلام وكثير من الصوفية هكذا ما يفهمون ما هو الإسلام ويظنون أن الشرك هو أن تعبد اللات والعزة. La troisième question, c'est est-ce que celui qui demande à une statue sculptée en bois ou en terre ou autre, ou là, un wali enterré dans une tombe, ou là vivant, ou qui se prosterne à la tombe du wali et qui tourne autour de, et qui l'appelle au secours, il y a Sidi Filal. Est-ce que ceux-là sont égaux avec ceux qui adorent les statues ou pas? Est-ce qu'il y a une différence entre celui qui adore les statues et le wali? Est-ce qu'il y a une différence? Hein? La réponse, c'est qu'il n'y a pas de différence. Ils sont égaux. C'est de l'associationnisme. Et s'ils disent ils ne sont pas égaux, dans ces cas-là, ils ont émis la sentence comme quoi ils sont dans une ignorance composée. Pas une ignorance simple, une ignorance puissance 2, composée. Et comme quoi ils ne comprennent pas l'islam. Et beaucoup de soufis sont comme ça, ne comprennent pas ce que c'est que l'islam. Ils croient que l'associationnisme, c'est d'adorer Lat et l'Uzza, d'adorer une statue. Beaucoup de soufis sont comme ça. كثير من الصوفية لا يفهمون أن عبادتهم للأولياء وسجودهم للقبور وطوافهم حول القبور لا يفهمون أن هذا ليس بعبادة لغير الله بل يقولون لا يفهمون أن هذا عبادة لغير الله ما يقول إنما هو توسل بالصالحين يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا الفهم هو الذي يحول بين القلب وفهم القرآن ما يفهمون القرآن لأنهم يظنون أن الشرك وعبادة اللات والعزة. Donc beaucoup de soufis donc croient que le fait de demander à leur cheikh directement vivant ou là celui qui est mort dans la tombe et de faire des tours de lui vouer des cultes d'adoration ou là de lui demander secours que ça c'est le fait de prendre comme intermédiaire tout simplement ce n'est pas adorer autre qu'Allah Azza wa Jal ce n'est que du tawassul prendre comme intermédiaire l'homme pieux pour demander notre chose à Allah. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, il dit, et ça c'est la compréhension qui fait que il y a une barrière entre eux et la compréhension du Coran. En étant dans cette situation-là, il y a une barrière qui s'installe entre eux et la compréhension du Coran. Ils ne comprennent pas le Coran. Et ils croient que ce qui est l'associé, c'est tout simplement adorer Lat et l'Uzza. C'est tout. Ou là les statues. Voilà. Faites cela rabbi. يقول فيه الشيخ لهم من دعا الناس إلى التعبد بالذكر والنوافل وترك المنكرات وهم منهمكون في هذه الشركية مصيب أم مخطئ إن قالوا مخطئ فقد حكموا على أنفسهم بالخطأ وأنهم ليسوا على شيء فمثلهم كمثل من يترك رجلا في بيت أحاطت به النار من جوامع الجوانب ويذهب لإغاثة آخر ليس في خطر إذن الأول سيحترق فهؤلاء يتركون من سيحترق بالنار ويذهبون إلى أشياء سهلة خفيفة بالنسبة لهذا الذي سيحترق بالنار ومما لا شك فيه أن الربا والزنا والحكم بغير ما أنزل الله أمور عظيمة وليست هينة ولكن بالنسبة للشرك والكفر فإنها خفيفة يزني ويأتي الله موحد يغفر الله له إن شاء أو يعذبه على الزنا مهما فعل، ويأتي الله مشرك فهو في تحت مشيئة الله عز وجل، ولكن يأتي الله مشرك ولا يزني ولا يرابي ما حكمه؟ الله المستعان، الله المستعان. أين الفهم يا عباد الله؟ La quatrième question est très importante aussi, c'est que celui qui appelle les gens à adorer Allah Azza wa Jal avec dhikr et avec du surrogatoire et à délaisser le munkarat qui est blâmable alors qu'ils baignent, qu'ils nagent, qu'ils sont engloutis dans l'associationnisme, est-ce qu'il est dans la vérité ou là il est dans le faux? Hein? S'ils disent qu'il est dans le faux, donc ils ont émis une sentence contre eux, comme quoi eux ils sont dans le faux. Et s'ils disent que ces gens-là qui agissent ainsi, etc., ne sont pas sur la bonne voie, dans ces cas-là, Houma, ils agissent vis-à-vis de ces personnes qui baignent dans l'associationnisme. Et ils leur font da'wah pour tout simplement hein, contre le blâmable, etc. Ben, Houma, leur position, qui agissent ainsi, c'est comme quelqu'un qui voit une maison entourée de feu de tous les côtés, il y a des gens qui brûlent dedans. Ils les laissent brûler. Ils vont sauver quelqu'un qui a été piqué par un scorpion. Hein? Le premier, il va brûler. Ils le laissent brûler. Ils vont aller à des trucs qui sont faciles. Hein? Par rapport à celui qui brûle. Il n'y a aucun de tous ces coups de riba, zina, le fait de juger avec autre loi que la loi de l'Allah, ce sont des situations énormes. On ne dit pas le contraire. Mais par rapport à l'associationnisme, ils sont légères. Parce que un murabi qui meurt sur le monothéisme, il est sur la volonté d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala veut le sur le vouloir d'Allah. Allah, il veut l'excuser, il va l'excuser. Et ça, c'est un bienfait min Allah. Et il veut le châtier, ce sera justice min Allah. Il en est de même de l'adultère. Il en est de même que celui qui est jugé avec d'autres que les lois d'Allah, Azza wa Jal. Hein? Et s'il meurt sur le monothéisme, il est sous la volonté d'Allah, Azza wa Jal, tahta al-mashi'a. Mais si il s'abstient de riba ou de l'adultère et tout, et il arrive, il est associateur devant Allah, Azza wa Jal, sa situation va être quoi? Ben, c'est comme l'exemple que tu vois quelqu'un qui est en train de brûler dans un immeuble, tu le laisses là et tu vas t'occuper de quelqu'un qui est blessé à son doigt par une lame de rasoir. La même chose. Allah al-musta'an. Sual al-khamis. وهل دعوته موافقة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لها؟ فإن قلتم موافقة لها فهاتوا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أحد أن يكون مسلما من دون أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله، ووالله لن تجدوا ولن تجدوا إلا ما هو شجر في حلوق القبوريين قذا في عيونهم. إما تنصف جيت que celui qui agit ainsi, qui appelle à délaisser le blâmable, et qui laisse les gens baigner dans l'associationnisme, que celui-ci, il fait comme, c'est la même voie qu'après Rasulullah alayhi wa sallam. Ramenez votre preuve, que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a accepté de quelqu'un d'être musulman, et de ne pas mécroire en tout ce qui s'adore en dehors de Allah, azza wa jal. Vous n'allez pas la trouver. Vous ne la trouverez pas. Ni dans la parole d'Allah, Azza wa Jal, ni dans l'authentique de la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam. Et ceci, c'est une épine dans la gorge des al-Qubouriyyin. Hein? Une brindille dans leur œil aussi. Plutôt un clou dans leur œil. C'est les adorateurs d'eux. Il n'y a aucun doute que le fait d'agir ainsi, d'appeler les gens vers à délaisser le blâmable et de les laisser dans le monothéisme, ceci est en divergence avec la voix de Mohammed a.s. Partant de ces questions, il apparaît clair à tout un chacun qui est doué de raison et qui cherche la vérité et qui veut la vérité, qu'il soit à l'intérieur de ce groupe ou à l'extérieur de ce groupe, ou qui appelle selon la voix de ce groupe, il lui apparaît clairement que ce groupe est en divergence avec le prophète a.s. ها؟ وأخيرا يقول الشيخ حفظه الله تعالى: فأنا أنقل كلام سعيد حوا من كتاب تربيتنا الروحية صفحة 218 الطبعة الثانية. قال أي سعيد حوا، واسمع السند، سند نصراني، الشيعة عندهم سند الحمير ولا عندهم سند إلى النصارى، الله المستعان. قال: وحدثني مرة النصراني، الله أكبر، عن السند، عن حادثة وقعت له شخصيا، وهي حادثة مشهورة معلومة جمعني الله بصاحبها بعد أن بلغتني الحادثة من غيره، وحدثني كيف أنه حضر حلقة ذكر فضربه أحد الذاكرين بالشيش في ظهره حتى خرج الشيش وحتى قبض عليه ثم سحب الشيش منه ولم يكن لذلك أثر ولا ضرر. إن هذا الشيء الذي يجري في طبقات أبناء الطريقة الرفاعية هو من أعظم فضل الله على هذه الأمة. الله أكبر، سبحان الله. إذ أن من رأى ذلك تقوم عليه الحجة بشكل واضح على معجزة الأنبياء وكرامة الأولياء. من يرى فردا من أفراد الأمة الإسلامية يمسك النار ولا تؤثر فيه، كيف يستغرب أن يقذف إبراهيم في النار؟ هذا دليلهم أخ الإسلام. انظر، انظر كيف الاستدلال. إلى من، لماذا تذهبون؟ لماذا هذا التكلف كله؟ الله جعل، قال أنه جعل النار بردا وسلاما لإبراهيم، لماذا تكلفنا هذه الأمور؟ وآتي بالخرافات والخزعبلات من طريقة زندقية وشيخها زنديق كما مر من كلامه، غارق في وحدة الوجود ويقول أنه قبلة الناس أجمعين وقلبه قبلة الناس أجمعين. سبحان الله. إيل دي إلى لا بارول إي رابورتي ديريكتومون دو ليفر ديال سعيد حوا. لو ليفر يسابيل سي اون ريفيرونس شي الإخوان هاد لو ليفر. Il s'appelle notre éducation spirituelle. Tarbiyatun al-Ruhiya. Et Saïd Houa, il est plongé dans le sophisme. Il est mort, rahmatullah alayh. Et il dit, regarde la chaîne de transmission, une chaîne de transmission chrétienne. Hier, on avait vu que les chiites ont une chaîne de transmission dont ils rapportent la chaîne de transmission est faite que par les ânes. Là, maintenant, c'est une chaîne de transition chrétienne. Regarde. Subhanallah. Il dit, une fois, un Nasrani, un Nazareth, m'a parlé d'un événement qui lui est arrivé à lui-même. Et ça, c'est un événement qui est réputé, qui est connu. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, m'a réuni avec celui avec qui c'est arrivé l'événement. Et quelqu'un auparavant lui a parlé. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a réuni avec celui à qui c'est arrivé. Il lui a dit, son nasrani, que il a été dans une halqa de dhikr de rifa'iyya, de tariqa rifa'iyya. Et un parmi ceux qui sont rentrés en transe dans leur dhikr a pris une barre de fer, il l'a plantée dans son nasrani, il est rentré de son dos, il est sorti de sa poitrine. Et il a attrapé cette barre de fer. Il l'a tiré, il n'y avait pas de traces, pas de sang, rien du tout. Subhanallah. Viens, viens, je vais voir comment tu fais. Viens, montre-le-moi devant moi. Et il dit, cette chose extraordinaire qui arrive dans la tabaka, chez les générations, les enfants, les tariqa, la secte rifa'it, est un grand bienfait min Allah pour cette communauté. Subhanallah. Des gens qui sont dans l'égarement, qui sont en déviation avec le prophète alayhi salatu wassalam, dont le shirk, il est plongé dans wahdat al-wujud, et il dit qu'il est la qibla de tous les cœurs. Hein? Il se dit dans certains de ses poèmes qu'il est Allah, et que, subhanallah, et Saïd Houa, il dit que cette tariqa a reçu le bienfait min Allah azza wa jalla. Car il dit, celui qui voit cet événement-là, le fait d'être frappé dans le dos et de sortir à la preuve s'accomplit quand clairement devant lui et il comprend les miracles du prophète alayhi salatu salam et les bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala couvre ses alliés et les choses extraordinaires qu'il leur donne. Et celui qui voit un des individus de cette communauté prendre le feu dans ses mains et le feu ne lui fait rien, comment veux-tu qu'il trouve étrange que Ibrahim est jeté dans le feu? Subhanallah. Regardez où est-ce qu'ils vont chercher les preuves. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit qu'il a ordonné au feu d'être bien et d'être tempéré, n'être ni froid ni chaud pour Ibrahim. Bardan wa salam, elle soit épargnée, c'est ni chaud ni froid. Et Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Ibrahim par miracle pour Ibrahim et pour défier le peuple d'Ibrahim. Et toi tu me ramènes des gens qui se shootent avant avec des drogues pas possibles et qui prennent des feux et rentrent en transe, etc. Et tu me dis, ça leur fait rien. Comment ça leur fait rien? J'aimerais bien voir. Viens. Montre-moi que ça te fait rien. Viens. Regardez. Comment les éloges à qui? Hier, il faisait l'éloge d'Al-Tariq al-Rifaïa comme nous l'avons vu. Dans la poésie. Et regardez la poésie que nous a cité Cheikh Dariel Rifaï. Qu'est-ce qu'il y a comme ta'ammat? L'unicité de l'existence. Allah et ses créatures, c'est la même chose. La créature et Allah, c'est identique. وَيَقُولُ كَدَالِكَ وَإِنَّ مَنْ يَرَى فَرْدًا مِنْ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ مِنْ أَفْرَادِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ السَّيْفَ مِنْ ظَهْرِهِ بَعْدَ أَنْ يُضْرَبَ بِهِ فِي صَدْرِهِ ثُمَّ يُسْحَبُ وَلَا أَثَرَ وَلَا ضَرَرَ هَلْ يَسْتَغْرِبُ مِثْلَ هَذَا حَادِثَ شَقِّ الصَّدْرِ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الْمَوْضُوعَ مُهِمٌّ جِدًّا وَلَا يَجُوزُ أَنْ نَقِفَ مِنْهُ مَوْقِفًا ظَالِمًا ومحله في إقامة الحجة في دين الله عز وجل على مثل هذه الشاكلة. إن الحجة الرئيسية لمنكر هذا الموضوع هو أن هذه الخوارق تظهر على أيدي فساق من هؤلاء كما تظهر على أيدي قوم صالحين، وهذا صحيح. والتعليل هنا هو أن هذه الكرامات للشيخ الأول الذي أكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة وجعلها مستمرة في أتباعه من باب المعجزة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فهذه كرامة الشيخ الذي هو أحمد الرفاعي. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية وحسن الخاتمة والتبات على منهج رسول الله والتبات على العقيدة الصحيحة. Il continue de dire, écoutez maintenant, Allah المستعان. Et ça, ce sont les terroristes du groupe. Les penseurs du groupe, les emblèmes, le cheikh des machaïrs dit le groupe, Saad Hawa. Ses livres, c'est une référence. Et il dit dans son livre, notre éducation spirituelle. C'est ça l'éducation spirituelle? Quelle éducation? Où est l'éducation spirituelle dans les hadiths du prophète alayhi salatu wasalam? Hadith, ce que tu nous racontes ici, quel rapport il a avec ce que nous avons dans l'Adab al-Mufrad de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou dans le kitab al-Adab dans Sahih al-Bukhari, ou autre? Subhanallah, il dit, celui qui voit un des individus de la communauté de Muhammad alayhi salatu wasalam, que l'épée rentre dans son dos et sort, sans que ça lui fasse, de sa poitrine, sans que ça lui fasse du mal, et sans trace, et sans mal, celui-là, est-ce que celui-là va trouver étrange le fait que Jibril et les anges sont venus ouvrir la poitrine du prophète alayhi salatu wasalam? La yakhal islam, nous n'avons pas besoin de ce preuve pour croire. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Jibril est venu nettoyer le cœur, ouvrir son cœur et nettoyer. Hadas Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça a été rapporté authentique, on mord dessus. Point final, nous n'avons pas besoin d'histoire à dormir debout. C'est Walt Disney, Allah, je sais pas. Walt Disney à la Ikhwani. Ou la Walt Disney à la Khoukhou. Et il dit, est-ce que celui-là va trouver étrange le fait que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ouvert sa poitrine? Et il dit, ce sujet est très important. Et nous ne devons pas prendre la position des injustes vis-à-vis de ce sujet. Et prendre la position injuste dans le fait que ce sujet accomplit la preuve dans la religion de Allah Azza wa Jal. Est-ce que la religion de Allah Azza wa Jal a besoin de ces énormités? Est-ce qu'il a besoin de preuves, de ces énormités comme preuves? Subhanallah. La preuve, il est dans la parole d'Allah. il est dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit, il est la preuve principale de ceux qui ne reconnaissent pas ce sujet, qui est les événements anormaux qui arrivent à des pervers, il dit, et qui arrivent même à des pervers, parmi ceux de la tariqa rafaïa, comme ils arrivent à des gens qui sont pieux et vertueux, il dit, ça c'est véridique, Zama, que ceci arrive aux pervers et aux vertueux parmi eux. Mais il dit ceci, il ne faut pas le prendre comme ça, mais il faut le prendre comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, par honoration à son prophète alayhi salatu wassalam, il a fait que ces événements qui sortent de l'ordinaire, c'est un bienfait qu'il a donné à cheikh, au cheikh de la secte Rafa'i. Subhanallah. Hein? Et il a fait que ce miracle soit constant et continue dans les disciples. Pour que ce soit un miracle pour Muhammad alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Muhammad alayhi salatu wassalam, sa sunna est un miracle. Le Coran que lui a donné Allah, Azzawajal, c'est un défi jusqu'à la fin des temps. Ainsi. Hada, c'est les théoriciens. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes, akhal islam, ce que c'est que les fondateurs de ce groupe, leur chouyour, sur qu'ils voient, ils sont. Pour comprendre pourquoi les hommes de science s'acharnent, ils écrivent des livres, ils n'arrêtent pas d'écrire. Regarde, leur emblème maintenant, la plus grande des emblèmes. Il est des élèves de Cheikh Moukbil qui a sorti le livre sur le Qardawi, à savoir, le Qardawi, ses positions vis-à-vis des Nasara. Et il y a des grandes catastrophes. Vous avez tous entendu comment il a fait l'éloge au pape, alors que le pape, il voue une haine énorme pour les musulmans. Hein? Comment il fait l'éloge à l'état juif, et il dit même, dans l'une de ses khutbat al-Jumu'ah, tu peux l'écouter de sa bouche directement, que si Allah se présentait aux élections, il n'aurait pas 99,5% de voix. Hein? Et ceci, dans un contexte où il fait l'éloge aux élections qu'il y a eu à l'époque de Netanyahou, où Hadak, l'adversaire de Netanyahou, a gagné avec 52, quelque chose, il lui dit, où sommes-nous dans le pays des 95, 99,5% avec lequel gagne le président? Et il dit, si Allah, oudou billah, si Allah se présentait aux élections, ben il n'aurait pas 99, oudou billah. Et ça, c'est leur tête, c'est leur emblème. Et que tu vas dire ça et vous dire, vous n'avez pas compris ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Yallah, comprends-nous. Non, on ne sait pas comprendre. Yallah, fais-nous le comprendre, Mta. Yallah. Nous, on demande que tu nous donnes une compréhension saine qui va de pair avec la parole d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam. On te suit à l'islam. On t'embrasse le front. Fahada. هذا الكلام الذي سمعتم الآن من سعيد حوى يقوله صاحب عقيدة وسنة يقوله صاحب منها الصحيح لا حول ولا قوة إلا بالله انظر إسناده إسناد نصراني فهذا الكلام لا يكتبه صاحب سنة وصاحب علم صحيح وإنما يصدر هذا من صوفي خرافي تالف مثلهم ولكن عزاؤنا ليس في سعيد حوى فهو معروف ولكن عزاؤنا في هؤلاء الذين يعظمونهم وأمثالهم وقد تعلموا التوحيد والسنة في مدارس ومعاهد وكليات وجامعات المملكة العربية السعودية تربوا في تلكم المؤسسات التي تدرس التوحيد والسنة ومع هذا يعظمون هذا الخرافي الصوفي الذي فتن بالخرافيين maintenant ce que vous avez entendu ce que nous a cité Cheikh du livre de Saïd Houa. Par Allah, est-ce que ça, c'est écrit de quelqu'un qui a un dogme authentique, qui est sur une voie authentique, qui maîtrise la sunna du prophète alayhi salatu wassalam? Hein? La hawla wa la quwwata illa billah. Regardez la chaîne de transmission, Nasrani. Ce que nous avons entendu ne peut pas être écrit par quelqu'un qui est un homme de la sunna, qui défend la sunna, ni quelqu'un qui a une science authentique et valide. Cela ne peut émaner que d'un sofi qui est plongé dans les histoires à dormir, dit le sofia, qui est perdu comme les sofis. Hein? Mais nos condoléances, c'est pas pour Saïd Houa, Saïd Houa, il est connu. Et ces livres ont été passés au Pink Fang. Ils ont été critiqués par les hommes de science. Et il est connu. Mais nos condoléances sont donc ceux qui ont été éduqués dans les universités du monothéisme en Arabie Saoudite et ailleurs. Et ils ont été éduqués sur le monothéisme, sur la sunna, et malgré tout ça, ils glorifient cet homme. Là notre condoléance. Là notre malheur. Saïd Houaïl est connu. Mais notre malheur, c'est dans ceux qui nous entourent. Et qui te présente Saïd Houaïl comme l'homme de science par excellence. Wa Sheikh Najmi سيثبت لنا أن هذه الكرامة المزعومة تجري على أيدي الساقطين والمهوسين والكفرة والفجرة ومنكم من رآها على بعض القنوات. يقول الشيخ أبو مالك حفظه الله تعالى وهو في مدينة ينبع ومن مشايخ الدعوة السلفية أنه مرة جيء برجل هندي يجر حافلة بأسنانه يقولون عنه أنه حطم الرقم القياسي ربطت الحافلة بالحفل بحبل وجعله بين أسنانه وأخذ يجر فتحركت الحافلة وقالوا حطم الرقم القياسي وأتي به في نشرة الأخبار وتكلمت عنه الصحف وكتب الشيخ أبو مالك مقالا بعثه إلى صحيفة المدينة يقول فيه بأن هذا تخريف ومن عمل السحرة فالبشر قدرته محدودة وبين حفظه الله في مقاله الكرامات التي تجري على أيدي الأولياء والأحوال الشيطانية التي تجري على أيدي الكفرة والفسقة وأن هذا الذي قدمه للناس بأنه حطم الرقم القياسي بجره الحافلة بأسنانه من الخوارق الشيطانية وأن كل ما في الأمر أن الرجل ربط الخيط وشده بأسنانه وأعوانه من الشياطين هم الذين دفعوا الحافلة من الخلف وصحيفة المدينة طبعا ما نشرت مقالة وكثير من هذه الأمثلة سمعتم بها وتسمعونها دوك الشيخ النجمي حفظه الله تعالى va nous confirmer maintenant que ces miracles soi-disant de ces miracles prétendus arrivent des fois arrivent à des gens qui sont pervers qui ne prient même pas Il arrive à des mécréants. Et certains parmi vous, dans certaines chaînes, ont dû voir des choses de ce style. Hein? Il dit, Cheikh Abou Malik, qui est un da'i salafi, dans le sud de Ayenboua, sur la mer morte, je crois. La mer rouge, je ne sais plus. Hein, la mer rouge. Hein? Il dit qu'une fois, ils ont ramené pendant le journal télévisé, sur la chaîne saoudienne, un indien. Il présente cet Indien comme quoi il a battu le record du monde. Comment il a battu le record du monde? Ils ont attaché une corde à un bus, il l'a pris entre ses dents, il a tiré et le bus l'a suivi. On dit qu'il a battu le record du monde. Et Cheikh Hafidhahullah Ta'ala a écrit une lettre, il a écrit un exposé, comme quoi ce qu'ils ont montré aux gens, que ça c'est pas un miracle, c'est pas battre le corps que ça... C'est un travail, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie, et comme quoi, c'est un travail d'Irshayatin. Que la puissance humaine, elle est limitée. Et que ce qu'il y a dans la situation, c'est que tout simplement, cet homme, on a attaché la corde au bus, il l'a mis dans sa bouche, et ses aides parmi Shayatin ont poussé le bus. Point final. Et il leur a montré dans l'exposé ce que c'est que les bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala karamat dit l'awliya, avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala couvre L'aulia, il y a la différence entre les situations d'Yal Shayatin et d'Yal Sihri, d'Yal la sorcellerie, etc. Et évidemment, quand il a envoyé ce truc au journal d'Yal Medina, les journalistes ne l'ont pas édité. Et ce genre d'événement, combien vous en avez vu avant que vous regardiez les télés hein? Combien vous voyez de ce genre dessus, du bas le record du monde, bas ceci, etc. Et pas lui qui a battu. Chichayatine derrière, il pousse, et voilà quoi. Et là, on tombe comme des mouches. وثانيا, يقول الشيخ حفظه الله تعالى, هل مجالس الذكر